Tous. Let's go. Rail suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? C'est parti, juste après la spéciale de D-Fool. Bienvenue à vous tous, bonne soirée, bonne fin de week-end. Et comme chaque fin de week-end, rendez-vous avec Rail Suprême. DJ Case est au contrôle des nouveautés, du classique, du rail, même un peu plus loin dans l'univers. Ce soir, c'est DJ Case au contrôle pendant un peu plus de 2 heures. Soyez les bienvenus, coup d'envoi maintenant. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. بديق الحال عليا داوي حالية ابو عدم سيدي رفع عليا عبد القادر يا بولا بديق الحال عليا داوي حالية بولا سيدي رفع عليا سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحاسب ولا طارت الغياب خديمة دير مزيا سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحاسب ولا طارت يا سيدي بوم الجن انا في برجك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش بني عبد الله سلطان العالية Many يوقون علاش عليا هاد الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تالا نبكي نبكي وقول علاش عليا هاد الحالة بركانية العالي من اللي توحداني يغلب براني كي ديرانا فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مغدانا بركانية العالي من اللي توحداني يغلب براني كي ديرانا فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مغدانا انا غني انا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلدي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة راي سوبريم ميلي دزر سو سكاي روك راس بلادي من نسى بلادي السهر ربي ونغمد انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس بلادي من نسى بلادي السهر ربي ونغمد انا entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang comme dans le sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on frappe à valer du râle. Les résultats sont cernés, c'est que des menaces qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Tu menaces, pas après, je m'en irai. Vivant, libé devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend l'histoire. On s'en pétard, les clés qui en trance. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confie à ta l'infini. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Je suis Moi je suis de Californie, en fumée 350 PNJ sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien de calme, malade mental. Plus connu que le hedge, m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. À un moment d'évasion, Yahman, let's go et danse. Sans fait plaisir. Et à ta boule, y'a mon amour. Kharjni m'en la misère. Dilleri m'lani m'hadour. Et taillé toujours imar. Marrati, j'm'en casse non. Dilleri, ça fait longtemps. Et d'en essayer, j'm'y qui j'y suis. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. Ma sha Allah.

تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة أو القلب الشاق Yeah. Oh,

au platine. Minuit 2 heures dans Rail Suprême sur Skyrock. Pampona, pampona, ça met de golo, arrête, arrête. Ok, pampona. Oh, Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rembo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, mes yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Je contrôle la maison, apprécie mon parcours. Prends des catacombes, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, maître qui m'a convoitisé. Charlie Delta localisé, l'embilasso focalisé. Zappé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Le cousin et Hermès. Lui dit tout ça, je fais la recette. Tout le monde est naïf, mais ça gagne, madame, mais c'est il faut avancer, mademoiselle, je ne me laisse pas aller là. Il faut avancer, pas les problèmes, ça qu'a marché. Il faut avancer, Arwa, ça c'est le mec. Il faut avancer. Sky Rock, il parle sur moi, je décalcule pas. Souris-moi, ça ne suit pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. Tu sors de Marseille ou de Bombay. C'est beaucoup mieux que de faire l'acteur. Y'a pas de critères de foi et de couleur. Afrique, nous, quel que soit ton secteur. Tout le monde est naïf, mais ça gagne, madame, monsieur. Il faut avancer, mademoiselle, je ne me laisse pas aller là. Il faut avancer, pas les problèmes, ça t'a marché. Il faut avancer, Arwa, Arwa, ça t'est le mec. Il faut avancer. Yalla, yalla. Taille ou de poids. ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وبرقو Suprême. Minuit, 2h, DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. C'est mon malheur, pas abuser. J'aime trop les femmes, pas abuser. C'est mon malheur, pas abuser. Même vous, mesdames, pour vous amuser. Polygame, pas abuser. Pas d'amalgame, pas abuser. Polygame, j'ai l'abusé. Fatigué de chercher la bonne. Ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Sur Skyrock. Du moment sur Skyrock. L'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Chérie, pourquoi tu trembles? On n'est pas méchant. les gros sont clairs. Le DJ est clair, la réseau est claire. Tout est clair, les gars sont clairs. Le DJ est clair, la réseau est claire. Tout est clair. Rail suprême, minuit, 2h, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Mon copé, arrivé. C'est le son du terme, on écoute, on est entre nous. Depuis Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. J'suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, j'sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, j'suis faillage toute la terre. J'rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand j'lève mon majeur. J'prends un selfie, j'leur dédicace. Mon star, c'est j'suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaist. Je connais ta caille, vite, je t'enlève. Je connais ta caille, vite, je t'enlève. Avec Natacha, ce qu'elle kiffe c'est les chichors. Avec Aïcha Andisha. Jukni de kafai vich roi, o tero ro khamli hoi, dam kutku. يلا معانا الفو افانسي فرحتنا اليوم ما نهنيها fois, de couleur, de taille ou de poids. JJK, on avance tous ensemble. Sinon tu recules. Toute l'Afrique va avancer, l'Europe va avancer, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, tout le monde va avancer. C'est la maladie d'avancer, moi comme ça là, yo, tu vas avancer. Bougez, bougez, avancez, yo, madame, monsieur, avancez. C'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Franck si t'es pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on baisse l'autre Champions League, Paname c'est la Champions League, Franck si t'es pas de ma team. De suivre le mouvement. Je me contrôle pas sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux. Et je pense vite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Il est minuit sur ma toquante. Je galère. Les gars de mon douille, ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras pit spike pour un bout d'air. Je file comme une étoile pour me baisser ça fonce. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au visio. Au platine, y'a qu'elle. Je suis un enfant de la fun comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mielleux. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est simple. Des petits pas, un petit cercle en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la chiffon dans le ghetto, c'est la j'suis cerise. Y'a des sons que je kiffe pas trop. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser. Mais tes potes te t'engraînent. Alors tu te laisses tenter. Et tu sais dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup. Donc tu t'emballes pas ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à lâcher de trois petits pas de salsa. Beaucoup trop nostalgie, c'est clair, j'ai la funk en moi. Trop style, trop de classe, c'est la seule classe. J'ai sorti le 3 quarts, il est sous le bras. Si je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Kays, vas-y, lâche les décibels. On est là, on bouge pas comme le visage apparaît. J'suis dans le club, y'a des sons que j'kiffe pas trop. Mais j'aime l'ambiance, à la base la funk c'est pas un calme. J'essaie de suivre le mouvement, j'me contrôle dans sa salle. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens. C'est les artistes. Ce soir c'est mort, on fait la fête. Poto, vas-y doucement sur la tisse. Ce soir je claque mon oseille. Ce soir on fait croquer les frères. Je vois des groupies qui nous repèrent. Normal, c'est parce qu'on a le sens à le faire. J'vois des fans qui pètent des photos. Vas-y, faut que t'attendes là, c'est un peu trop tôt. Laisse-moi profiter de la soirée. J'pète ta petite gauche, me casse en moto. On va tous te choquer. J'sais même pas si mes potes sont bloqués. Tous les numéros sont notés. Dans ces tours de banane, jamais sans la famille. Jamais sans les photos, on est plus que des amis. Toute la night, jamais sans la famille. Jamais sans les photos, on est plus que des amis. Jolie, jolie, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir c'est la folie, folie. Comment vous dire, je vais bien. Bon, désolé, je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. Je suis pas très loin du mal. Comment c'est le feu ce soir. Mon équipe est sortie, des billets dans le noir. Tu comptes sur ces taraclés. Fraîche, t'es fraîche, ma belle t'es trop fraîche. Ouais, j'ai dit t'es fraîche, n'empêche, t'as mieux à Marrakech. Laisse-moi mettre l'ambiance, j'ai quitté le sol français, je me lance. Appel sur la compile, on s'enflamme toutes les vacances. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Si fou t'as validé, validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué, paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Pour une ambiance de qualité. Comment vous dire, je vais bien. Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. Je suis pas très loin du malaise. Mon self ce soir. Mon équipe est ressortie. J'ai des billes, j'ai des semis. Je dis pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du soir, baby, du soir. Ça fait pas comme un spoil, du soir. Ça prend des billes, j'ai des billes. Oh! Certains m'appellent le fléau, ou me guiwa la néo. Mon sang provoque la fonce. Je côtoie des gens blindés, boss de la new generation. Je fais des sons comme personne, do ré mi fa sol. نام الله وفيا ويا حي يا حي ويا قاع انتوما يا مين تركيا ويا والعاصمة حطوا لاكاليتي والسياسة تزيع علينا هيا قاع صبر صبر فرح وانا غني انا طير كي الحمامة هادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي ورحمك انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي ورحمك انا خليك لي يا بلادي راني عايز سوبريم avec Fred et DJ K sur Skyrock. J'ai 30 ans entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, puis ensemble. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. C'est avant l'âge du pays, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on fera pas valer du râle. Les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. J'menace pas après, j'm'en irai. Vivant, on lipide, devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'en bêta, les cris qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant. En France, on les tient là-bas et se confie à Tarasli. Tu sais que le chef du chef il s'appelle Hosni. منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم راي سوبريم 2 heures sur Skyrock علم اما ضرب الإشارة تعرف on Skyrock انت في الحب عبارة خلي العقل حيارة انت انت عبارة خلي العقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده باين دم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى La beauté marocaine sait s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Nice,

Et si on allait danser Marrakech ou Saint-Tropez, puis chanter la guitare jusqu'à Doré del Mar, Antalya et Bodrum, raga raga bam bam. Ay, vacancier, oh, la Saint-Tropez, oh, oh. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Et c'est fini pour ce Rail Suprême. Merci à vous tous d'avoir été là avec DJ Case comme chaque dimanche soir. Session mixée. On a pas mal débordé ce soir une fois de plus. On se retrouve dans une semaine. Prochain Rail Suprême. Et puis n'oubliez pas aussi Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock toute la semaine avec Big Flo et Oli entre 20h et 21h. Ciao, bonne fin de week-end.